La vache. Depuis 1834, Victor Hugo se plaisait à de fréquents séjours aux environs de Paris. Devant la blanche ferme où parfois vers midi, un vieillard vient s'asseoir sur le seuil attiédi, où cent poules gaiement mêlent leurs crêtes rouges, où, gardiens du sommeil, les dogues dans leur bouge écoutent les chansons du gardien du réveil, du beau coq vernissé qui relute au soleil. Une vache était là, tout à l'heure, arrêtée. Superbe, énorme, rousse et de blanc tacheté, douce comme une biche avec ses jeunes fans, elle avait sous le ventre un beau groupe d'enfants. D'enfants, aux dents de marbre, aux cheveux en broussailles, frais et plus charbonnés que de vieilles murailles, qui, bruyant, tous ensemble, à grands cris, appelant d'autres qui, tout petits, se hâtaient en tremblant, dérobant sans pitié quelques laitières absentes, sous leurs bouches joyeuses et peut-être blessantes, et sous leurs doigts, pressant le lait parmi le trou, tirait le pis fécond de la mère au poil roux. Elle, bonne et puissante, et de son trésor pleine, sous leurs mains par moments, faisant frémir à peine son beau flanc plus ombré qu'un flanc de léopard, distraite, regardait vaguement quelque part. Ainsi, nature, abri de toute créature, ô mère universelle, indulgente nature. Ainsi, tous à la fois, mystiques et charnels, cherchant l'ombre et le lait sous tes flancs éternels, nous sommes là, savants, poètes, pêle-mêle, pendus de toutes parts à ta forte mamelle. Et tandis qu'affamés, avec des cris vainqueurs, à tes sources sans fin, désaltérant nos cœurs, pour en faire plus tard notre sang et notre âme, nous aspirons à flot ta lumière et ta flamme, les feuillages, les monts, les prés verts, le ciel bleu, toi, sans te déranger, tu rêves à ton Dieu.